On va commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, nous te demandons que, à chaque fois qu'on s'approche de ta parole, qu'on soit, je dirais même, un peu excité dans l'anticipation de ce que tu vas nous dire. On veut entendre ta voix. De façon personnelle et d'une façon aussi en tant qu'Église. On veut que cette parole fasse le ménage dans nos idées, dans nos pensées, qui sont souvent encore mélangées avec le monde, la chair. Et on te demande que par l'Esprit que tu as mis en nous, pour cela, que tu nous aides à avoir du discernement dans tout ce que nous croyons, dans tout ce que nous faisons, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous vous souvenez, je vous ai déjà dit, quand je suis arrivé à Mont-Tremblant, en 2000, ça fait déjà 23 ans. Ouh! Hein, ça passe! Et après 6 mois à peu près, un an que j'étais là, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tous la même évangile, le groupe. On ne voyait pas toutes les choses de la même façon. Ce groupe de 15-20 adultes venait de 5 milieux différents évangéliques. Et on avait un bagage différent. Un tel point que je me suis posé la question, est-ce qu'on a tous le même évangile? Est-ce qu'on prêche tous le même évangile ou pas? Et pour clarifier tout cela, je leur ai dit, je l'ai partagé au groupe, ce que je voyais. Puis j'ai dit, on va faire l'Épître aux Romains ensemble pendant un an ou 2 ans. On va faire un survol, une étude de l'Épître, pour essayer d'emmener toutes nos idées à la même place. Quand on va parler, ben on va parler un peu de la même chose. On ne partira pas dans toutes sortes de directions pour voir, surtout quand on se parle entre nous, tant que je vous allais dire l'Évangile, puis moi j'entends Évangile, bien on va penser la même chose. On ne passera pas 2 choses différentes. Et c'était pas comme personnel à Mont-Tremblant. C'est une façon générale. Et nos églises, au Québec, depuis ça, 25-30 ans, c'est souvent un rassemblement de gens qui viennent de partout. On en a plus de vraiment... Je me souviens que je me disais quand j'étais jeune chrétien. Bon. L'église baptiste de Victoriaville, c'est une église baptiste pure sang. Tout le monde qui avait été sauvé dans l'église, puis on était tous là, parce que tout le monde se connaissait, on était tous conduits au Seigneur par tout ce monde. C'était juste des baptistes pure laine, on pourrait dire. Fait que quand on parlait, on se comprenait plus facilement. Je ne dis pas que c'était correct ce qu'on disait tout, là, mais on se comprenait plus. Mais là, à ce temps, quand tu t'assieds aux côtés d'un frère, tu ne sais pas trop ce qu'il pense quand il parle des dons, quand il parle du Saint-Esprit, quand il parle de... Tu ne sais pas trop comment est-ce qu'il voit les choses. Tu sais pas trop que... Tu parles du retour du Seigneur, mais tu ne sais pas trop qu'est-ce qu'il croit par rapport au retour du Seigneur. Je me souviens, à Victo, quand l'Église a reçu, si je pourrais dire comme ça, 4 jeunes qui arrivaient d'un séminaire de l'Ontario, ça fait une division de l'Église. Il ne fitait plus dans le décor avec ce qu'il arrivait avec du nouveau, assez différent, que ça fait une division dans l'Église. Ils sont allés partir de l'Église ailleurs. C'était 4 jeunes de l'Église au départ. Oui, qui ont parti, puis ils sont revenus, puis quand ils sont revenus, ils ne croyaient plus en même chose. Puis assez différent pour causer une division, pour se diviser là-dessus. Donc vous voyez que c'est pas quelque chose que la Bible apprend, puis qu'on voit dans le Nouveau Testament, puis ça c'est loin, c'est dans le Nouveau Testament que ça arrive, ces affaires-là. Ça n'arrive pas aujourd'hui dans nos églises, comme ça. Non, ça fait partie de l'histoire de l'Église. Ça fait partie de l'histoire de l'Église, et l'Église est toujours pas aux prises. Je ne veux pas dire ça de façon négative. Quand j'ai appris, j'ai étudié l'histoire de l'Église, on a vu à travers l'histoire les bénéfices de ces divisions-là, de ces arguments-là, de ces chicanes-là. On a vu le bénéfice où est-ce que finalement... Il y avait un ménage d'idées qui se faisait. Je ne parle pas de ménage de croyants, un ménage d'idées qui se faisait, qu'on était obligé de s'asseoir et d'expliquer qu'est-ce qu'on croyait. Parce que on peut dire que je crois au retour du Seigneur. Oui, oui, oui, tout le monde croit au retour du Seigneur. Quand on se met à en parler, tout d'un coup, on se demande si on croit la même chose. Mais quand on dit qu'on croit au retour du Seigneur, tout le monde y croit. Ça, dans notre credo, c'est marqué « Nous croyons au retour du Seigneur ». Tout le monde dit « Oui ». Mais quand on se met à s'en parler, on se divise. Que c'est différent. Puis ce matin, chez nous, j'ai marqué Église évangélique en direct au Québec. Sur mon site web, puis j'ai, sur le web. J'étais allé voir qu'est-ce qu'on enseignait, qu'est-ce qu'on enseigne dans nos églises. Et c'est intéressant de voir le melting pot qu'il peut y avoir. Tout ce qui se dit au nom du Seigneur Jésus. Et c'est assez impressionnant à quel point que si on amenait tout ce monde-là ensemble dans la même bâtisse, pas sûr. Je me souviens en 1995 à peu près, l'association a organisé une campagne d'évangélisation avec Billy Graham au Québec. Et qui faisait aussi les gens qui étaient en région, qui étaient éloignés, bien, ils ont organisé des centres avec des gros écrans, puis ils mettaient ça en direct pour que les chrétiens, mettons, de l'Abitibi se rassemblent, puis qu'ils écoutent Billy Graham et qu'ils invitent leurs contacts là. Puis l'association m'a demandé d'être le responsable de ça. Et ma réponse ne les a pas vraiment épatés. J'ai dit, si on n'est pas capable d'adorer ensemble le dimanche matin, je ne fais pas d'évangélisation le vendredi soir. On n'est même pas capable d'adorer notre Dieu ensemble parce qu'on est trop différents. Puis là, on voudrait évangéliser, puis là, il n'y a plus de différence. Tu écoutes ça, là? Je ne suis pas capable de faire ça. Je n'ai jamais fait, je n'ai jamais été responsable, puis je n'ai pas assisté à la conférence. Mais ce n'est pas facile de prendre une décision semblable. Ça m'a coûté des plumes à m'en aller. Ça m'a coûté des plumes. On veut qu'on ne veuille pas. Et ça, c'est pas avec le monde. C'est avec des gens qu'on se dit croyant, tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'on veut faire des choses ensemble? Mais quand c'est bien temps d'adorer dimanche matin, se réunir, d'adorer notre Dieu, tout d'un coup, on n'est plus capable. Parce qu'on dit, oh, ben là, vous ne faites pas ça, puis nous autres, on ne fait pas ça, puis nous autres, on fait ça, puis nous autres, on ne croit pas ça, puis nous autres, on croit ça. Puis... Ben, c'est quoi votre évangile que vous annoncez? Bon, c'est-tu la même? C'est-tu la même chose? Si je vous parle de ça, c'est parce qu'on va voir aujourd'hui dans le chapitre 3, l'apôtre Paul va dire à Timothée ce que Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15. Ceux qui demeurent, si vous demeurez attachés à moi, vous allez porter beaucoup de fruits. Si vous demeurez attachés à moi, le 7, vous allez porter beaucoup de fruits. Puis Paul va dire à Timothée, dans notre texte d'aujourd'hui, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure. C'est la même vérité que Jésus disait dans Jean 15. Demeure. Et le texte qu'on va écouter, c'est un texte qui se divise en deux. Ceux qui ne demeurent pas et ceux qui demeurent. Ceux qui n'ont pas demeuré dans ce que Jésus avait enseigné et ont pris le clou, comme on dit en québécois. Puis ceux qui ont demeuré, ben, ils vont avoir les bénédictions qui en découlent. Donc, c'est dans ce sens-là. Et si l'apôtre Paul prend le temps de le dire à Timothée il y a 2000 ans, nous, au bout, il faut se poser la question, est-ce qu'on a demeuré? J'écoutais Don Carson cette semaine, puis il dit, si vous allez sur le bord d'une marina, puis un voilier, puis là, vous commencez à enlever des morceaux après le voilier. Jusqu'où vous pouvez en enlever, ça ne sera plus un voilier, finalement. Vous pouvez enlever l'ancre, c'est encore un voilier. Vous pouvez enlever une corde, c'est encore un voilier. Mais si tu enlèves les voiles, tu ne peux plus dire que tu as un voilier, ça ne marche plus, là. Si tu enlèves le mât, mais là, tu as une chaloupe. Fait que jusqu'où tu peux enlever, lui, il disait, des petites bites, des bites de l'Évangile, puis que ce soit encore l'Évangile. Il posait la question à son groupe de gens qui parlaient. Jusqu'où qu'on peut l'enlever, finalement, pour que ce ne soit plus l'Évangile? Donc, on n'est pas les seuls à s'arrêter, à y penser, à réfléchir, à méditer là-dessus. C'est l'histoire de l'Église qui fait ça. Et l'Église, dans sa grâce, Dieu a conservé l'Église à travers ce débat, ces questionnements, ces remises en question, ces séparations pour des causes valables. Je parle de doctrine, des causes valables. Donc, c'est pour arriver aujourd'hui, pour nous autres, 2000 ans plus tard, on est ici, assis ensemble, et on dit, est-ce qu'on demeure dans ce que Jésus nous a donné? Donc, je vais faire lire le chapitre 3 au complet. Je ne sais pas si on va tout le voir. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Ça dépend comment je filme. Comment vite on comprend? Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, l'apôtre Paul, comme je vous l'ai dit, va diviser le groupe. Vous avez vu, c'est facile à voir qu'il y avait une division. Eux, puis toi, Timothée, eux, c'est le groupe qui est parti dans une direction, puis Timothée, c'est le groupe qui va dans la bonne direction. Donc, c'est souvent, on a pris le premier groupe pour les gens du monde, les gens dehors de l'Église. On a pensé que c'était les gens dehors de l'Église, mais l'apôtre Paul ne s'adressera pas ainsi des gens du monde. Ça ne fera pas de sens. Puis il est dit à la fin, ils ont réprouvé la foi. Donc, ça veut dire à quelque part qu'ils étaient dans la foi à un moment donné. Sans ça, tu ne peux pas parler de même, je ne sais pas, moi, Kim Jong-un, là, qui est président en Corée, n'a jamais été dans la foi. Donc, c'est, il parle de ce qui s'est passé à l'intérieur du groupe avec lequel Timothée travaille à Éphèse. Le premier verset nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Donc, c'est, ces derniers jours-là, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord sur de quoi il parle, l'auteur. Est-ce qu'il parle... Souvent, on a appliqué ça aussi, que ça, c'est à la fin des temps, à quelque part. C'est au bout, là, au bout de la ligne, là, les gens vont être vraiment méchants dans cette époque-là. Juste avant que Jésus revienne, dans le monde, là, ça va être vraiment terrible. Mais ce n'est pas ça l'auteur parle. Parce que si ça serait ça, ça n'a rien rapport. Pourquoi j'avertirais Timothée d'un danger qui n'existera pas dans, son, dans sa vie à lui? Si c'est les derniers temps, si c'est la dernière génération avant le retour du Seigneur, « Hey François, tu sais, là, dans 2000 ans, il va y avoir une génération pas mal perverse, mais fais attention à toi, là. » Ça n'a pas rapport avec moi, je ne suis pas là, je ne suis jamais là. Donc, c'est les derniers jours, je dirais que la plupart des commentateurs, c'est les derniers jours commencent, c'est l'Église, c'est le temps de l'Église. OK, c'est le temps de l'Église. Et c'est le temps, ces derniers jours qui passent, c'est la période, des fois, il appelle ça les derniers temps, les derniers jours, c'est la période, parce qu'il faut bien se... penser et réfléchir. Il n'y a personne qui a vu à cette époque-là 2000 ans d'histoire entre les deux. Personne qui voyait ça. Cette semaine, je parlais avec un frère, mais je disais, ben, j'ai dit, quand Jésus parle à cette époque-là dans les évangiles, il ne parle pas du temps de l'Église. Il n'en parle pas. Quand il parle d'établir le royaume de Dieu, c'est non, maintenant. Puis il parle de ces deux venus, première, deuxième, pour lui, c'est pareil. L'établissement du royaume, c'est l'établissement du royaume. Mais tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a il nous donne quelques indices que, ouais, je vais établir le royaume, mais il faut que vous soyez patient. Puis là, il compte des paraboles de patience, de persévérance. Mais les disciples n'ont jamais vu qu'il y aurait deux étapes. C'est plus tard qu'ils vont voir qu'il va y avoir deux étapes, après que Jésus soit ressuscité et qu'il va partir. Là, il va leur dire, je vais revenir une deuxième fois, là, je m'en vais, là, je, vous allez me voir monter, là, mais je vais revenir, découragez-vous pas. Oups, là, il réalise qu'il part. Il ne va pas juste ressusciter puis rester là, puis dire, voilà, en tant que Messie ressuscité, j'établis le royaume, maintenant on commence. Non, il dit, bye, je m'en vais. Ils sont débobinés complètement au début. Par le Saint-Esprit qui va venir par après, là, ils vont être capables de comprendre, de saisir et de persévérer juste pour eux, jusqu'à la fin de leur vie à eux, jusqu'au retour du Seigneur. Donc, c'est les derniers jours vont être difficiles. Et dans notre texte, ce n'est pas à cause des événements. Il ne parle pas des événements. Ça ne va pas être difficile à cause qu'on a un réchauffement de la planète. Ça ne va pas être difficile parce qu'il y a des guerres et des tremblements de terre. Ça ne va pas être difficile parce que l'économie plonge dans le trou et qu'on perd tout notre argent. Ce n'est pas ça qui va rendre les derniers jours difficiles. Verset 3, verset 2 va nous en parler. Car, voici la raison pourquoi ça va être difficile pour toi, Timothée. Et ce n'est pas les événements, il va commencer à parler de personnes. C'est les personnes qui vont rendre les choses difficiles. Ce n'est pas les événements. Donc, moi, je l'ai déjà dit, si vous seriez dans mon bureau, des fois, vous me verriez rire tout seul dans mon bureau. Puis je verrais, puis je me dis, et que c'est bien écrit. C'est bien écrit parce que tout le monde, peu importe dans quelle génération que tu es, c'est ça. Que tu sois noir, blanc, en Afrique, au Québec, dans un château d'un million ou dans une cabane de paille dans le fond d'Afrique. Si t'es un croyant, c'est vrai. Ça s'adresse à tout le monde, partout. Et c'est ça qui est fantastique. C'est pour ça que ça a été écrit comme ça d'abord, parce que Dieu voulait atteindre. Lui, il savait qu'il y avait une période de 2000 ans au moins. Il dit, moi, je veux atteindre des millions de gens. Là. Fait qu'il faut tous ces millions-là qui vont entendre. Il faut être capable de s'identifier à ce qui est dit. Parce que si on commence à parler d'Ephèse au 1er siècle, il n'y a personne qui va comprendre. Nous, on pourra peut-être comprendre un peu, rendu plus loin. Mais pas dans cette époque-là. Donc, c'est les gens qui vont rendre les choses difficiles pour Timothée et pour les gens qui font partie du deuxième groupe. Et on n'a pas tendance à penser comme ça. On a tendance à penser que ça va être difficile. Puis là, j'ai écouté un sermon de... Carson, je ne me souviens plus qui. Il disait, prépare-toi au temps difficile. Les difficiles, là, c'était les persécutions qui parlaient. C'était pas ce texte-là ici qui parlait. Les temps difficiles parce que la Bible nous dit, plus vous allez arriver vers la fin, plus vous allez être haïs de tous, et toutes les nations vont vous haïr. Donc, il y a une opposition qui va venir de l'extérieur. Mais ici, on parle de l'opposition à l'intérieur. Les difficultés à l'intérieur de l'Église. Donc, c'est très rare, quand vous étudiez l'histoire de l'Église, c'est très rare que les persécutions vont amener l'Église à fermer les portes. Très rare. Je ne me souviens même pas d'une fois que j'ai vu ça dans l'histoire. Au contraire, si vous allez dans les pays qui sont les plus persécutés aujourd'hui, c'est là que l'Église a grandi le plus vite. Donc, ça ne fait pas ça, ce n'est pas les persécutions. Mais je me prépare à ça. Ça va être des temps difficiles du côté du monde païen, mais je dois aussi prendre, il va y avoir des temps difficiles aussi par rapport à une autre forme de temps difficile, c'est à l'intérieur de l'Église. Où est-ce que l'Église va devoir faire face à la difficulté, je dirais, de garder l'Évangile intègre. Ça va faire partie de son travail. Et si vous avez lu les épîtres assez régulièrement, vous allez voir que l'apôtre Paul le vit. Timothée le vit ici. Pierre le vit. Les chrétiens de la première génération vont vivre des difficultés pour garder. Quand on a fait l'Apocalypse ensemble, vous vous souvenez que Jésus a dit à plusieurs églises, tu as des doctrines de démons dans ton histoire. Dans ton église, il y a des doctrines de démons. Aïe, aïe. Dans ton église, il y a du Balaam, puis il y a du... Il y a des Nicolaïtes dans ton groupe, là, puis tu fais rien avec ça, là, tu devrais faire de quoi avec ça, là. Mais dans notre tête, je ne sais pas pour quelle raison, dans notre génération, nous, on n'a pas vu ça. Puis on ne voit pas, puis on ne s'y arrête pas. Puis c'est comme s'il n'y a pas de danger, c'est comme s'il n'y a pas de difficulté, c'est comme... Mais je crois qu'il faut se sensibiliser à ce fait-là, quelle est la part que je vais prendre là-dedans, moi, en tant qu'individu? Quelle part je vais prendre pour conserver l'Évangile? Pour qu'on puisse demeurer dans les choses qu'on a apprises des apôtres. Si c'est un combat, quel est mon rôle? Qu'est-ce que c'est que j'ai à faire là-dedans, moi, pour pouvoir me protéger et protéger les gens autour de moi? T'sais, si on est tous ensemble sur le même bateau, là, on est mieux de prendre conscience qu'on se protège mutuellement. Là. Parce qu'il n'y a pas juste le capitaine qui protège le bateau, parce qu'il va couler, c'est sûr. Mais quelle est ma part? Si on ferait l'exemple d'un bateau, ben moi, je suis un mécanicien, donc ma part, c'est de faire que les pompes puissent bien fonctionner dans le fond, puisqu'il rentre de l'eau, puis il faut qu'elle sorte. Moi, c'est ma tâche, c'est ça que je fais. Je répare j'ai des alarmes, puis quand la pompe arrête, j'y vais la nuit, le jour, j'y vais, puis je répare les pompes, puis que l'eau sorte. L'autre, lui, ça peut être d'autres choses, ça peut être la cuisine. Moi, je fasse la cuisine parce que tout ce monde-là, il faut qu'il mange. Si je ne les fais pas manger, mais ils crèvent de faim, on n'arrive pas, le bateau va couler. Donc, chacun a sa responsabilité. Et je vous encourage à réfléchir là-dessus et dire, quelle est ma responsabilité? Comment je me vois, moi, dans ce groupe-là, dans cette organisation-là, pour faire tous mes efforts possibles, avec les capacités que Dieu m'a données, pour aider l'Église à demeurer dans les choses qu'elle a reçues. Souvenez l'exhortation de l'auteur, de Jude, à l'Église. Il dit, je combats Je vous encourage à combattre afin de garder la foi transmise une fois pour toutes. C'était la même exhortation. On n'est pas sorti du bois, là. On est toujours là. Mais je vous encourage à prier là-dessus, à ne pas vous endormir avant d'avoir trouvé votre place. C'est quoi ma place là-dedans? Quelle est ma part que j'ai à jouer là-dedans? Et je vous encourage à le faire. Donc là, il va commencer par décrire. Vous vous souvenez qu'au chapitre 1, on avait intitulé le chapitre « N'aie pas honte, Timothée. N'aie pas honte de témoignage à rendre à Jésus-Christ et de moi, son prisonnier. N'aie pas honte, Timothée. Moi, j'ai pas honte, puis Onésiphore n'a pas honte. Et il dit, toi non plus, tu ne devrais pas avoir honte, mon Timothée. » Dans le deuxième chapitre, on avait vu « Fortifie-toi, mon Timothée. Fortifie-toi, mon Timothée. Si tu ne te fortifies pas, ça ne marchera pas. Fortifie-toi. » Elle va commencer à regarder cette semaine comment faire pour vous fortifier. Elle va commencer à faire vos exercices. Comment on fait pour se fortifier? Oh, je n'en ai pas besoin, je suis fort en masse. Je n'ai pas de problème avec ça, mais je suis fort. Je ne tomberai jamais. Je ne tomberai jamais. Non, je suis fort. Putain, il nous a dit fortifie-toi. Puis on reste là, puis on regarde ça, puis on ne fait rien. On fait rien. Il t'avait dit fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Mmh. Puis, mais y a-tu juste ça dans tous les chapitres? Bien, ça le résumait. Non. Puis, non. Il y avait aussi de fuir les conversations. Il y avait différentes choses qu'il a dit. Il a dit souviens-toi, fortifie-toi, fuis, change. Il a dit différentes affaires. Compter sur la puissance de l'Esprit. Oui, toujours avec la puissance du Saint-Esprit, mais la main gauche doit fonctionner. Si tu as juste la main droite, tu penses, je me fie sur la main droite. La main droite va tout faire ça, moi je peux faire autre chose. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Relisez-le, le chapitre 2. Regardez ce que Paul a dit à Timothée pour se fortifier. Parce que s'il reste comme au chapitre 1, il ne peut pas faire le chapitre 3 non plus. Demeurer. On ne pourra pas le faire. Ça, c'est quand tu parlais des trois, l'agriculteur. Ça, c'est tes trois exemples que tu as donnés pour si tu ne te fortifies pas, tu ne pourras pas avoir le résultat. Là. Si tu lâches, parce que si tu te fortifies, c'est pour ne pas lâcher. C'est pour pouvoir travailler tout au long de la récolte et récolter finalement. Donc, si tu ne te fortifies pas, tu ne pourras pas te rendre à la fin de la saison et récolter le fruit de ton labeur. Tu ne pourras pas. Il faut que tu te fortifies. Et je vous encourage, si vous avez du temps à perdre, prenez les actes des apôtres et cherchez le mot fortifié, vous allez voir. L'Église a quasiment, je ne sais pas combien de fois dans le livre, et l'Église se fortifiait, et l'Église se fortifiait, et l'Église se fortifiait, et les apôtres fortifiaient les disciples, et les apôtres fortifiaient les disciples, et on se fortifiait, et on se fortifiait. C'était sous-entendu, l'Église se fortifiait. C'est pas juste que l'Église était sauvée. Elle était sauvée, mais elle se fortifiait en même temps. Donc, c'est encourageant de voir ça. Et aujourd'hui, on voit ceux, dans le troisième chapitre, j'ai appelé ça garde le bon dépôt ou demeure, Timothée, dans les choses que tu as apprises. Puis, dans le premier chapitre, on pourrait, dans la première partie du chapitre, on pourrait faire une longue dissertation de chaque chose qu'il dit, là, de ces hommes-là. Puis ces hommes-là, là, c'est pas un, c'est pas deux, ça représente un groupe dans l'Église. C'est pas un individu, parce qu'il parle les hommes. C'est pas un individu. Et donc, il n'y a pas de faux prophète s'il n'y a pas personne qui suit le faux prophète. Il dit, moi, je suis un faux prophète, aussi tu t'enseignes. Dans le bois, il n'y a personne qui m'écoute, mais j'enseigne dans le bois. Ça ne fait pas grand sens. Un faux prophète, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui le suit. Okay? On va voir qu'il parle de façon exemplaire. Ces hommes-là parcourent des choses et des gens pour aller chercher des adeptes à leur croyance. Là, il dit égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain. Ah, il y en a un paquet, là. T'es quasiment découragé avant d'arriver au bout. Et ce que j'aimerais qu'on réfléchisse, c'est cette description-là, c'est, on pourrait l'appliquer facilement aux inconvertis, là, n'est-ce pas? Ça serait-tu vrai? Ben oui, ça serait vrai. Acceptez quelques exceptions. Acceptez quelques exceptions. On ne pourrait pas attribuer à un inconverti qui a réprouvé la foi, qui a été réprouvé, qui a abandonné la foi. Ça on ne peut pas l'appliquer à un inconverti de cette façon-là. Mais les péchés qui parlent, de façon normale, c'est des péchés qu'on retrouve partout, autour de nous, dans la société. Ici, ça semble être des gens qui se disent croyants. Parce qu'il le dit à la fin. Ils ont l'apparence. Ils ont l'apparence. Ça m'écœure, ça m'énerve. Ils ont l'apparence de. C'est ça que les faux prophètes font. Ils ont l'apparence de. C'est nous, Jésus, qui a mis en garde les disciples. Ils vont venir à vous déguisés en brebis. Mais c'est des loups. Mais ils ont mis une peau de brebis sur le dos. Tu sais pas, j'avais déjà vu le petit film là, qu'il y a un loup qui va aller pogner des moutons. Finalement, il se met une peau de mouton par-dessus, puis il rentre dans le troupeau, personne ne le voit. Puis là, il peut faire des ravages. Mais c'est déguisé comme un mouton. Mais c'est la description qui donne, c'est des péchés qu'on connaît tous. Vous les avez peut-être déjà même pratiqués, vous les pratiquez peut-être même encore, vous les faites encore, plus ou moins, souvent. Il y a quelques-uns que j'aimerais le souligner comme... égoïste, ça, vous ne l'êtes pas, fait qu'on ne va pas se par-dessus. Fanfaron, vous ne l'êtes pas non plus, on ne va pas se par-dessus. On pourrait arrêter orgueilleux, par exemple. Mais hautain, non plus. Le mot blasphémateur, le mot blasphémateur, y a-t-il qui ont d'autres traductions? Quel mot blasphémateur? Dans le verset 2, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur. Insulte à Dieu. Donc, faire des insultes, c'est ce que le mot blasphémateur veut dire, insulter, injurier quelqu'un. Le blasphémateur, c'est quelqu'un qui parle contre Dieu. C'est pas ouvert, qui se lève pas à chair le dimanche matin, puis qui se met à blasphémer Dieu, puis à maudire Dieu, puis à dire des conneries, puis crier des bêtises. Non, c'est qu'il parle au nom de Dieu, mais il dit pas ce que Dieu a dit. Ça, c'est un blasphémateur. OK, ça, c'est un blasphémateur. Il parle au nom de Dieu. Il dit, Dieu a dit. Mais il ne prêche pas ce que Dieu a dit. Il dit autre chose. On appelle ça un blasphémateur. Ce n'est pas juste les inconvertis qui disent que Dieu n'existe pas. Je me souviens d'une période de ma vie où je disais que je ne croyais pas en Dieu, mais j'étais toujours en train de parler à Dieu. Si tu existerais, là, j'aurais 2 mois de dire, moi. Ah, oh, mon ami, j'avais l'air d'un cadre sur la roche, en milieu du champ, tu sais. Debout sur la roche, tu dis, arrête-moi. J'ai dit, si Dieu n'existe pas, à qui tu parles, le con? À qui tu parles? Si Dieu n'existe pas. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Ça, c'est François l'inconverti qui est comme ça. T'sais. Puis, rebelle à leurs parents, là, Comment ça peut se manifester quelqu'un qui va parler contre Dieu dans une église? Dieu, il est pas pour là, contre l'homosexualité. Ah, OK. Je blasphème Dieu. Okay. C'est toutes des petites choses de même, bien plus petites, c'est un grand mot, là, mais... C'est tout dire, ça c'est pas nécessaire, puis finalement, il n'y a pas d'enfer, puis finalement, tout le monde... Je parlais avec quelqu'un cette semaine, il m'a dit, notre chef religieux, mon guide spirituel, m'a dit que tout le monde irait au ciel. Là. Ah ouais? Lui, il est sûr qu'il n'est pas un blasphémateur. Mais c'est un blasphémateur. Puis il est dans l'Église, hein? Oui, pas dans l'Église évangélique, par exemple. Je n'ai pas entendu encore dans nos églises évangéliques qui disent que tout le monde est sauvé. Je n'ai pas encore entendu vraiment qu'ils disent ça clairement comme ça. Là. Oui, mais il parle au nom de Dieu. Il parle au nom de Dieu. Dieu dit. Moi, je pensais que c'était juste dans des églises qui croyaient. Non, non. Aussitôt, tu te mets à dire que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, a dit. Puis tu dis le contraire. Tu blasphèmes contre Dieu. Tu blasphèmes contre Dieu. C'est ça. Ici, ça se passe dans l'Église. Il y a des gens qui ont pris position. On l'a vu, l'autre fois. On a parlé à 2-3 reprises. Il y en a qui ont changé la doctrine de Dieu. Ils ont changé la foi apostolique. Donc, ils blasphèment contre Dieu en changeant les choses. Comme dans l'épître de Jean qu'on a vu ensemble. Il y en a qui disent dans l'Église que Jésus n'est jamais venu en chair, vraiment. Des blasphémateurs. Jésus est venu en chair. Une chair que tu pouvais tuer, là. Il va saigner, puis il mourrait, là. Mais il y en a dans l'Église qui disaient, Jésus, t'as pas venu en chair. Donc, là, je prends des extrêmes, facile à voir. Comme on dit, Dieu est amour, il peut pas permettre ça. Oui. Ça prise la personne. S'il est amour, puis il peut pas permettre la souffrance. Dieu est amour, fait que la souffrance, ça vient pas de Dieu, ça, la souffrance. Ça, c'est blasphémé aussi. Donc, le blasphème, c'est pas nous autres, on le prend pour des grosses affaires. Tu sais, c'est vraiment, quand il dit des choses vraiment terribles, là, c'est une blasphème. Mais, petit blasphème, un après l'autre, finit par faire une grosse roche qui n'est pas de couler. Mets un grain de sable dans ta poche à toutes les 2-3 minutes, puis tu vas finir par couler dans 10 ans. Tu vas finir par couler. Même si c'était un petit grain de sable à la fois. C'est cool. Dans la description, François, il dit aussi orgueilleux et enflé d'orgueil. C'est quoi, là, un peu la différence? Ouais, moi, c'est fanfaron puis hautain. Moi, donc, j'avais aussi fanfaron, mais j'ai aussi orgueilleux. Moi, c'est hautain. OK, ça, c'est ami de l'argent, là, juste après? Ami de l'argent, fanfaron, orgueilleux. Puis quand tu vas un petit peu rendu au verset 4, enflé d'orgueil. Traître, impulsif, enflé d'orgueil. T'as comme deux fois orgueil. Oui, ça dépend des traductions que tu as. L'auteur fait des nuances, mais on va se rendre au verset 4. Ça, sois patiente. Hein? Quand on parle de rebelles aux parents, on ne parle pas d'enfants de 4 ans ou 5 ans ou 8 ans qui sont rebelles à leurs parents. C'est pas ça dont on parle. C'est que c'est un dicton, quand on disait « rebelle à ses parents », ça veut dire qu'il ne suit pas l'enseignement des parents. Il ne fait pas comme les parents. C'est ça que ça veut dire. Je me suis fait dire ça. Il a abandonné la foi de ses parents. Fait qu'on a quitté l'Église catholique. C'est ça que ça veut dire, ça, ici, là. Ils sont rebelles à leurs parents. C'est pour ça que vous avez, dans Luc, je pense, ou Matthieu, Jean-Baptiste veut ramener les enfants qui étaient rebelles à leurs parents. Il veut les ramener à la foi judaïque, à la foi des Israélites, ils ont abandonné la foi des parents. C'est ça ce qu'on parle ici. Là. On ne parle pas d'un enfant qui est rebelle. Parce que, oui, tous les enfants sont rebelles à leurs parents un jour ou l'autre, ou d'une façon quelconque. On est tous là. Mais ce n'est pas ça dont il parle ici. Ça n'a pas rapport avec Timothée, à ce qu'il est en train de vivre. Ça ne fera pas de sens hein, pour Timothée. Ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruel, ennemi des gens de bien. Il faut vous mettre dans la tête qu'il est en train de décrire des gens qui se disent croyants. Ça n'a pas de sens. Vous allez penser que c'est juste les gros méchants de la société dont il parle ici. Puis c'est toujours en rapport en particulier. Paul n'aurait pas mentionné ça de même. Bon, je vais vous faire une liste là, des péchés qui sont pratiqués dans votre église. Il pourrait faire une liste de 3 pages, puis donner ça à toutes les églises, puis ça serait correct. Mais dans toutes les églises, il y a ces péchés-là. Je me souviens une fois, j'avais dit dans une église, je m'étais fait reprendre après. Nommez le péché que vous voulez, je le fais. Non, ça se peut pas, François, voyons, non. T'es pas si méchant que ça. Tu vois comment je compense? T'es pas si méchant que ça. T'es orgueilleux, mais t'es orgueilleux d'une bonne façon. C'est ça que ça veut dire. Oui, t'es mécontent de la situation dans laquelle tu vis, mais c'est acceptable. On a mis une ligne dans nos églises, je dirais, ou dans la société aussi, on en fait. On met une ligne standard, là, que si t'es proche de cette ligne-là, t'es acceptable. Si t'es trop bas, c'est pas bon. Si t'es trop haut, là, c'est pas bon. Mais si t'es dans la moyenne ici, là, t'es bon. T'es bon, c'est correct. T'es dans la moyenne, c'est correct. C'est correct. C'est acceptable. Mais ça, c'est nous autres qui met à la ligne qui nous convient. Puis dans chaque groupe, si vous feriez l'étude, vous faites la psychologie un peu, dans chaque groupe, inconsciemment, on se met une ligne. Inconsciemment, on se met une ligne. Puis on va dire, moi, je fit dans le groupe 7. Puis tu changerais de groupe, tout d'un coup, ils vont te faire sentir que tu es au-dessus de la ligne ou tu es en dessous de la ligne. Adapte-toi à notre ligne. D'autres, on a mis la ligne d'une autre façon. Hein? Puis ça sera la même chose, que, juste du côté habillement. On prend de façon très en rien. Certains restaurants, ils ont une ligne. Si tu rentres là, ils vont dire, tu ne peux pas rentrer ici. Tu as des shorts, tu ne peux pas rentrer ici. Ah, tu n'as pas ton veston, tu ne peux pas rentrer ici. Ils ont mis une ligne, eux autres, là. Puis, foutu. Si tu ne si rentres pas dans la ligne, tu vas manger au McDo. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est comme ça qu'on fonctionne, les êtres humains. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais ici, Paul est en train de décrire des gens qui ont abandonné la foi, qui sont réprouvés par rapport à la foi. Il n'est pas juste en train de décrire des gens qui sont immoraux dans la société, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais été nés de nouveau, ils n'ont jamais fait de profession de foi, ils n'ont jamais été baptisés. Mais il décrit des gens. Donc, il faut que moi, que je puisse lire ces descriptions-là avec l'idée que c'est des gens qui ont fait de profession de foi puis qui ont abandonné la foi. Et que ça se manifeste dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir. Donc, ce n'est pas juste que j'essaie de voir si Hitler n'est pas dans le groupe. C'est qu'il est en train de décrire des gens, puis c'est ça qui est triste, parce que être réprouvé par rapport à la foi, je te décris, j'ai l'impression que je décris un inconverti. Mais c'est quelqu'un qui est juste détourné de la foi, puis qui est encore dans l'Église, puis qui est encore sous l'apparence de la piété. Mais pourtant, quand je lis la description, j'ai l'impression que c'est un inconverti. Vous remarquez ça? C'est ça qu'il est en train de parler, là. C'est ça qu'il est en train de dire, là. Donc, si tu es réprouvé par rapport à la foi, si tu as abandonné la foi apostolique, tu n'as pas de différence entre toi et un inconverti. J'avais dit une fois dans une église anglaise, j'étais là, j'ai dit, on a l'impression ce matin qu'on est tout du bon monde ici. J'ai dit, si on enlèverait Jésus-Christ de nos cœurs, le Saint-Esprit de nos cœurs, on est les pires païens de la ville. C'est quoi qui fait la différence, dans le fond? Qu'est-ce qui fait la différence? Ennemis des gens de bien. Ici, c'est le mot bien, c'est pas les gens qui font des bonnes œuvres dans la société. Ils sont ennemis de ceux qui donnent du sang, sont ennemis de ceux qui font du bénévolat au restaurant populaire. C'est pas de ça qu'on parle. Les gens de bien, c'est les gens qui marchent dans la vérité. Hein? C'est ça que ça veut dire. Donc, le mot bien, c'est ça qu'il faut le prendre. S'ils sont traîtres parce qu'ils ont abandonné, ils sont traîtres parce qu'ils se sont détournés d'eux, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voyez-vous le résumé de cette partie-là? Finalement, ça ressort qu'il aime plus le plaisir que Dieu lui-même. Il aime plus qu'on nous dit le monde. Il aime plus ça que Dieu lui-même. Ça s'est manifesté, finalement, dans leur vie, qu'ils aimaient plus le monde que Dieu lui-même. C'est ça qui finit par ressortir ici. C'est pour ça que quand je dis enflé d'orgueil, l'orgueil ici, ce n'est pas l'orgueil de mon char, ce n'est pas l'orgueil de ma maison, ce n'est pas l'orgueil de mon vêtement, ce n'est pas l'orgueil de mon compte de banque, ce n'est pas l'orgueil de ma santé. C'est l'orgueil, c'est que j'abandonne Dieu. J'abandonne la vérité. C'est ça, l'orgueil. Quand on parle d'orgueil, c'est ça, l'orgueil. C'est dire, je n'ai pas besoin de Dieu, moi, là. Je suis mieux que Dieu, là. Tu sais, quand Satan a dit à Adam et Ève, vous allez devenir comme Dieu, c'est de l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil. Okay, moi, les autres, j'appelle ça de la vanité. Plus, ça se ressemble peut-être, mais j'appelle ça de la vanité. Mais l'orgueil, c'est que finalement, je m'installe devant le credo de la foi apostolique, puis je le change. C'est de savoir jusqu'à combien de morceaux tu enlèves sur le navire, sur le voilier, parce que là, dans les gens qu'on connaît, tu dis, ouais, ça, là, il y a des différences. On sait, nous, les gens qu'on côtoie, il y a des différences, mais là, ça, c'est-tu basé, c'est-tu anti-biblique, c'est-tu blasphématoire par rapport à Dieu, c'est, tu sais, c'est pas évident, là? Ouais, c'est pas évident jusqu'à certains points. Moi, je vous dirais bien ça, sans vous faire de la peine. Quand on a les oreilles assez sales, on écoute la musique, c'est toujours de la belle musique. Gaston Côté, qui était un professionnel de la guitare, me dit un jour que je ne savais pas accorder une guitare. Moi, pourtant, il était accordé selon mes oreilles à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on ne voit plus, quand on ne pleure plus devant le mensonge qui est dit dans l'Église, ou devant un chrétien qui dit quelque chose qui est diffamatoire par rapport à Jésus-Christ, ça ne nous fait plus rien. C'est parce qu'on est habitué à ça. Ça ne nous fait plus rien. Ça ne nous fait absolument rien. Ils disent quelque chose que, selon nous, c'est faux, mais on ne dit rien, on ne fait rien. Ça ne nous fait rien. On vit avec ça. Et quand on met ça sur le dos, exemple, de l'enseignement, je sais, ça paraît facile, mais c'est parce qu'on est des... Moi, je te dirais... À toute la théologie d'avant, ça me rend indulgente envers maintenant, là, ça me rend indulgente quand je comprends des gens qui disent des choses. C'est moi ça hier. Si ton indulgence laisse passer, c'est mal. Si ton indulgence t'amène à comprendre, puis tu veux aider à s'en sortir, ça, c'est bien. Je peux être indulgent avec les gens qui se sont trompés de chemin, parce que moi, tu me suis trompé de chemin, mais je ne leur dis pas continuer sur ce chemin-là. Je vais leur dire finalement, hey, je te comprends, j'ai déjà aussi été sur ce chemin-là, mais ce n'est pas le bon chemin. Puis si tu veux, je peux t'accompagner, je peux t'aider, je vais prier avec toi. Faut qu'on se replace sur le bon chemin à quelque part. C'est que finalement, on peut être dans un groupe de croyants, dans une église, et il y a des choses qui se disent... puis Don Carson en parlait cette semaine dans un enseignement qui disait « Est-ce que vous pleurez quand vous entendez les gens dire des choses fausses par rapport à Dieu? » Ou ça ne vous fait plus rien d'autre? Vous êtes tellement endurci, ça ne vous fait plus rien. Maintenant, si ça te fait encore de la peine qu'on parle contre Dieu, qu'on parle contre Jésus, qu'on parle contre, puis... En tout cas, il a encouragé les gens à faire de quoi avec ça. Prendre plaisir plus aux choses de ce monde, parce que quand on change la doctrine, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour rien. Quand l'Église change la doctrine, ou qu'un individu change la doctrine, ce n'est pas pour rien. Pourquoi vous pensez que quelqu'un, tout d'un coup, décide de changer la doctrine? Parce qu'il fait son affaire. Oui, mais pourquoi? Pourquoi il veut changer? Il faut que ça y rapporte de quoi quelque part. Fais pas juste ça pour dire, je vais changer la doctrine le matin et ils vont me tirer des roches. Mais non! Ça rapporte à quelque part. Le gars qui se lève, qui décide de changer les choses tranquillement, pas vite, il y a une intention derrière. Il y a une raison derrière. Et c'est souvent. On veut une vie plus facile, on veut une vie plus confortable, on veut une vie plus... pas de rejet, pas de souffrance, on change. C'est ça qu'il dit à Timothée, dans la deuxième, souffre avec moi, mon Timothée. Change pas la doctrine. Souffre avec moi. Il va en parler dans notre texte alors. Souffre avec moi. Accepte qu'il va peut-être avoir de la souffrance si tu tiens ton bout, et c'est ça que la Bible a dit, puis c'est ça qu'on devait croire. Accepte le fait de souffrir un peu. Puis il donne l'exemple de Jésus-Christ qui a souffert, puis que lui, Paul a souffert, puis que... Donc, c'est... il dit, faut que tu acceptes ça. C'est vraiment intéressant de le voir ici. Et là, il dit, au verset 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » L'apparence, puis il renie la force de l'apparence. Ben, tu sais quoi l'affaire? Ça veut dire, moi j'appelle ça religieux. Des gens qui font un exercice religieux, ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Et dans notre texte, la force ici, c'est l'Évangile, c'est la vérité. Donc, ils gardent l'apparence de... John MacArthur, il disait, vous pouvez enlever le Saint-Esprit de certaines églises, puis ils vont continuer à fonctionner pendant des années. C'était sa façon de le dire à lui. Donc, ils ont l'apparence d'eux, mais ce qui en fait la force, c'est plus là. Et ce qui en fait la force, c'est la vérité, c'est l'Évangile, c'est plus là. Et là, il dit quelque chose au verset 5, à la fin. Éloigne-toi de ces hommes-là. On part-tu des monastères? Si c'est les gens du monde dont il parlerait, vous avez fait des monastères. c'est les gens de la rue chez nous, là. Ben là, éloigne-toi de ce monde-là, parce que je vais aller m'acheter une maison en campagne, on m'éloigner de tout ce monde-là. C'est pour ça qu'au premier siècle, les chrétiens ont fait des monastères. Ils voulaient s'éloigner de ces gens-là, parce que c'était les gens en dehors qui étaient problématiques. Donc, ils ont parti des monastères pour aller se cacher du péché. Se cacher du monde, se cacher de la tentation, se cacher des convoitises. Mais il dit, non, il dit, toi, éloigne-toi, Timothée. C'est pas éloigne le monde de toi, c'est toi, éloigne-toi de ces gens-là qui enseignent des choses qui ne sont pas la vérité. Je ne peux pas m'éloigner d'une personne qui fait des péchés parce que je m'éloignais de vous autres et vous éloignez de moi. Hein, on s'éloignait les uns des autres, puis disait, ah ben François, il exagère des fois, c'est un menteur, donc oh, je m'éloigne de lui, je ne vais pas avec lui. Ah ben lui, c'est un peu paresseux, donc je m'éloigne de lui, puis je ne vais pas avec lui. Ah ben lui, on s'éloignait, puis on restait chacun chez nous. Mais ici, c'est éloigne-toi de ces gens-là. Puis la façon qu'il est décrit, tu pourrais penser juste morale. Mais il faut comprendre que la cause de cela, c'est qu'ils ont changé de direction. La cause qu'ils sont rendus là, c'est qu'ils ont changé de direction par rapport à la foi. Quand vous lisez l'Épître aux Corinthiens, qu'on appelle souvent l'Église débauchée, l'Église vraie, ça c'était vraiment une méchante Église. Les Corinthiens, ils en faisaient des péchés épouvantables. Mais si vous regardez, pourquoi ils sont rendus là? Il avait abandonné certaines doctrines. Puis là, il vivait dans le péché, là, dans l'Église. Et puis, il était, si vous voulez, tout à l'heure, Chantal a parlé d'orgueil. Allez voir, les Corinthiens étaient remplis d'orgueil par rapport à toutes sortes d'affaires spirituelles. Plein d'orgueil spirituel. Puis Paul leur dit, vous êtes orgueilleux, mais pas pour les bonnes choses. Donc, c'est dit, éloigne-toi de ces gens-là. Donc, tu vois qu'il faut, je crois qu'il faut utiliser de la sagesse, il faut utiliser souvent, quand nous, on va s'éloigner, c'est quand c'est rendu au bout. C'est vraiment rendu au bout. Là on dit au gars, sors de l'église, surtout votant, ou la madame, votant. Là, on est rendu vraiment à l'extrême, là, on n'est plus capable de supporter ça. Et souvent, c'est parce qu'on n'est pas intervenu dans les petites choses, dans les petits moments de chaque personne dans leur vie. On n'est pas vraiment conscient, on ne fait pas attention. Et là, finalement, c'est devenu assez gros qu'on dit, ben, tu peux plus rester avec nous au matin, on t'expulse, on t'excommunie, c'est vraiment trop loin. Mais pourtant, il faut, si on le ferait petit à petit, là, je parle doctrinalement parlant. Hey, c'est-tu vraiment ça que Jésus a dit? Est-ce qu'on applique vraiment, est-ce qu'on applique comme il faut les principes des Écritures? Ben non, si on s'est éloigné, là. Et si on s'exhorterait plus, on s'encouragerait plus, si on se watcherait plus spirituellement, on pourrait s'entraider, je dirais, plus dans ce sens-là. Et encore une fois, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, quel est mon rôle là-dedans? Quel est mon rôle là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, moi? Est-ce que ça me concerne ou si ça concerne juste François ou Timothée? Est-ce que ça me concerne, moi, ça? Ou si ça concerne juste quelques-uns là, dans l'Église, quelques-uns qui vont s'occuper de ça? Là? C'est intéressant de se poser la question. Si tu n'es pas concerné par ça, tu vas te faire avoir. C'est juste une question de temps. Tu sais, on se fait parler, surtout les gens de notre âge, de faire attention aux arnaques. Sur nos téléphones, sur nos tablettes. Puis, attention, là, il y a quelque chose qui passe sur le téléphone, là. Le gouvernement va donner de l'argent. Attention, attention, attention. Non, tout le monde dit, parce que vous êtes tout au courant, là. Parce qu'on essaie de nous sensibiliser au fait qu'il y a des gens qui se plaisent à nous arnaquer. Puis là, on fait attention, on watch tout ça, puis ça, je pense que c'est de l'arnaque, on voit ça à la poubelle. Puis, parce qu'on est conscient que c'est là, là. Mais spirituellement, pour une raison X, on ne se sent pas concerné. On ne se sent pas concerné autant, pour une raison X. Est-ce que tu sais que ça soit un peu à cause qu'il y a assez de monde qui ne croit pas en Dieu, que quand il y en a qui sont comme dans notre monde, on est... comme plus réceptif parce qu'on est peu. Mmh. Oui, ça peut être une des choses qui nous amène à tolérer le comment dire ça? Oui, à tolérer le... l'ignorance. À tolérer le manque de compréhension, le manque d'information spirituelle, théologique. On est comme quelqu'un arrive et nous dit qu'il est sauvé. Ben, yes, oh, yes, yes, yes, il est sauvé. Puis on n'a même pas vérifié sur qu'est-ce qu'il a compris, comment il a compris les choses, qu'est-ce qu'il a entendu comme évangile. On n'a pas d'intérêt. Il est sauvé, puis il s'en met à l'église, puis on est heureux qu'on ait un plus. Je me souviens, on a choisi une fois une gang de pasteurs, puis on était ensemble, on parlait des où ce que nous, on appelait ça des visiteurs permanents. Ça venait de nos églises, mais ils restaient. Puis on dit, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu leur parler? On va-tu leur demander qu'est-ce qu'ils croient? On va-tu les interroger? Qu'en fait la partie de votre église? Puis qu'est-ce que tu venais faire ici? Puis qu'est-ce que tu crois? Puis, non, on applaudit, puis on fait une fête, mon ami. On est assez peu. On ne commençait pas à les interroger. Connais-vous ce qui se passe? C'est vraiment... ça peut être un piège qui fait qu'on ne recherche plus à comprendre vraiment. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, nos standards peuvent être assez bas. On accepte ou non. C'est ça, il va y avoir une limite, là, puis là, ça dépasse les bornes, out. C'est ça. Donc, si théologiquement, il est en bonne notre ligne, là, et si la ligne est tellement basse que tout le monde peut rentrer, c'est un mauvais signe, je ne sais pas. Puis non plus, il ne faut pas la mettre trop haute, puis penser qu'on est juste des corrects, c'est nous autres des corrects. Donc, il faut faire attention, rester à bonne place. Et là, il dit, regardez bien les hommes du verset 2, car les hommes, arrogants, les décrit, il en est parmi eux, de ces hommes-là, de ces personnes-là, de ces gens-là, puis c'est pas juste des hommes, là, prenez-les au sens générique, s'il vous plaît, puis c'est pas juste des femmes non plus qui sont faibles et chargées de péché, là, ben, peut-être c'est vrai, là, mais... Faut pas pousser. C'est l'exemple. C'est la pensée derrière. Ils ne resteront pas assis sur ces gens-là. S'ils vont faire du prosélytisme, sont zélés pour répandre le faux. Ils sont zélés pour répandre le faux. Savez-vous, quand vous prenez une position contre un groupe, là, vous êtes deux fois plus zélés. Parce que vous voulez convaincre tout le monde que vous avez raison. Vous remarquerez que les gens, là, comme j'en nommerai pas, mais qui vont sortir d'une église évangélique, là, ils s'en vont dans une secte. Là, ils veulent convaincre tout le monde que la secte a raison. Pourquoi? Ils veulent se convaincre eux-mêmes qu'ils ont raison dans leur choix d'avoir parti. Donc, ils deviennent très zélés dans une secte, là. C'est pour ça que quand vous étiez jeunes chrétiens, vous étiez zélés comme des fous. On était tous zélés quand on était jeunes. On avait tout énervé. On voulait dire ça à tout le monde de la ville, puis de la parenté, puis on voulait dire ça à tout le monde. Pourquoi? Là, on voulait leur montrer qu'on avait compris quelque chose de vrai, puis on voulait leur montrer que on avait raison, là, tout d'un coup, là. Donc, c'est la façon d'agir de l'être humain en général. Des petits groupes. Je me souviens que j'ai vécu dans certaines places, comme en Ontario, où j'étais en minorité. Les Québécois francophones étaient en minorité. J'ai dit qu'on se la battait la gueule. J'ai dit qu'on voulait montrer qu'on n'en tape pas beaucoup, mais on était là. T'sais, on voulait, c'est instinctif quasiment, je dirais. On veut que ça fasse ça. Puis ces gens-là, ils disent, il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons qui captivent les femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours, apprenant toujours, mécanique, apprenant toujours l'économie. Qu'est-ce qu'ils apprennent toujours? Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Entraînés par toutes sortes de désirs. Oui, nous autres, on est descendu un peu plus bas, Gisèle. Verset 7. Oui, c'est ça. OK, nous autres, c'est le verset 6, ça, les passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, ça veut dire qu'ils apprennent. Et là, on est dans les choses spirituelles, non? Est-ce que ça veut dire qu'ils apprennent avec les Écritures? Oui. Parce qu'ils n'arrivent pas avec la tour de garde. Là. Ça, c'est après avec la tour de garde. Mais au début, les petits mormons, là, j'en ai invité deux, ils vont venir chez nous pendant cette semaine. Et ils passaient dans notre rue. Je dis, revenez la semaine prochaine, j'étais en pyjama, j'ai été opéré. Bon, revenez la semaine prochaine. Ils vont arriver avec la Bible. Et les livres des mormons, bien entendu. Ils vont arriver avec la Bible. Je suis sûr qu'ils vont arriver avec la Bible. Tout le monde, je vois, ils rentrent dans la maison chez vous avec quoi? Avec la Bible. Ils n'arrivent pas avec des choses païennes, dans le sens avec le Playboy. Alors, on est des témoins de Jéhovah, on arrive avec le Playboy, avez-vous vu le nouveau numéro? On leur ferme la porte, bang! Mais ils arrivent, avez-vous vu ça? Ben, de Dieu, ben, ils parlent de Jésus, ils parlent de Dieu. Ils vont parler de choses que tout le monde va adhérer. Comme toi, maintenant tu les reçois, là, tu trouves à comme pas faire ce que Paul a dit à Timothée. Là. Timothée dit de t'éloigner d'eux. Mm. Toi, tu le fais parce que tu es armé pour les combats. Non, c'est parce qu'ils ne font pas partie de mon église. Oui, c'est simplement ça. Si ça dans mon église, puis après je ferais ça, je le mettrais dehors. Ah, okay. Mais ils ne sont pas dans l'église. Puis ils viennent à moi, puis, mais si, comme on a fait de mobilité. Après un certain temps, on leur dit la vérité comme il faut. Nous, on ne croit pas que Joseph Smith, c'est un prophète de Dieu. On ne croit pas que c'est inspiré de Dieu. On leur dit la vérité, finalement. Parce que le but, ce n'est pas d'adhérer à leur affaire. C'est pas ça. Le but, c'est que nous autres, on veut leur annoncer l'Évangile, que nous, on croit. Nous, on pense. C'est ça qu'on veut faire avec le temps. C'est pour ça qu'il va dire ailleurs, Paul va dire, ne le recevez pas chez vous. Ne leur dites pas salut parce que vous participez à leurs œuvres en faisant cela. Fait qu'il faut faire attention. Je suis en train de vouloir participer à ce qu'ils font. Ben non, si je veux les recevoir pour leur dire qu'ils ne sont pas corrects, ils devraient changer de direction. C'est deux choses différentes, là. OK? C'est pas mal différent, là. Puis là, dépendamment de votre personnalité, vous allez pouvoir prendre une semaine pour le faire ou un mois pour le faire. Ou un an même pour le faire. Mais dans votre intention, vous savez qu'ils sont dans le mensonge, je vais vous les aider à trouver la vérité. Mais si ce n'est pas ça que vous avez comme intention, laissez-la pas rentrer. Parce qu'ils vont vous avoir. Les autres, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire là. Les autres, ils savent pourquoi ils sont là. Les autres, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là. Ils sont convaincus que Joseph Smith, c'est un prophète, puis que si je ne crois pas à Joseph Smith, je suis un perdu. Donc, ils viennent avec une intention très, très visible. Donc, mais ces gens-là, ils apprennent des choses de Dieu, mais finalement, ils n'arrivent jamais à la connaissance. Ils n'arrivent jamais à comprendre les Écritures comme il faut. De même, là, il donne deux exemples de l'Ancien Testament qu'on connaît un petit peu moins. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité. Là, excusez-moi, je vous compte. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Donc, il donne ces deux hommes-là, je ne sais pas si vous avez connu leur histoire, je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire chapitre 3 et d'aller lire leur histoire dans l'Ancien Testament, mais ils s'opposent à Moïse. Donc, en disant ça, ça faisait quoi? Ils s'opposent à Dieu. Moïse est le représentant de Dieu. Là. Moïse reçoit l'information de Dieu dans la loi, tout ça. Puis l'autre, il se lève et il prend une position contre Moïse. Parce que c'est le seul qui voit. Là. L'autre, on ne le voit pas pour ne pas utiliser des roches. Il n'est pas là. Mais Moïse, on le voit. Puis lui, on peut le confronter un peu. Là. On peut le reprendre. On peut lui dire, « Hey, ta femme, là, c'est une noire. Qu'est-ce que tu fais là, toi, là, là? » Oh, on connaît Moïse, là, on fait des péchés tout là, tu sais. On ne sait pas ce qu'ils ont dit. Mais ils s'opposent à Moïse. De même, les hommes qu'on a parlé depuis le début, ces hommes s'opposent à la vérité. C'est pour ça qu'ils n'arrivent jamais à comprendre la vérité. Ils s'opposent à la vérité. Ils ne sont pas à la recherche de la vérité. C'est-tu les femmes ou bien c'est les ceux qui enseignent? Les deux. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, il dit « égarés, ils égarent les autres ». C'est les deux aveugles qui tombent dans le même trou. S'ils arrivent dans une famille de chrétiens, s'ils arrivent dans une famille qui est bien fondée dans la foi, qui marche avec le Seigneur, qui pourrait dire, qui en tout cas, des chrétiens, on pourrait dire « modèles », entre guillemets, là, mais qui arrivent avec une fausse doctrine, les lumières rouges vont s'allumer tout de suite, là. « Wow, wow, wow, wow, wow, est-ce que tu vas chercher ça, toi, là, là? Où ça vient, ton affaire, là? Qui t'a dit ça, toi? Je ne sais pas combien de fois j'ai posé ça dans ma vie en tant qu'enseignant. Où est-ce que tu es allé chercher ça? Qui t'a dit ça? Ah, oh, bien, j'ai écouté telle affaire, j'ai lu telle affaire, j'ai fait ça, telle affaire. Ah, oh, OK, OK, OK. Mais j'ai... Excuse, François, c'est parce que quand c'est écrit « apprenant », mettons, c'est celui qui apprend, c'est celui qui se fait enseigner par l'autre. Donc, ça concernerait les femmes, le apprenant. Oui, mais celui qui vient, lui tout, il était apprenant avant. Il n'est pas tombé du ciel, lui-là. Là. C'est un cycle là, qui se fait. Là. Celui qui t'enseigne une fausseté, il s'est fait enseigner une fausseté souvent avant aussi. Là. Ça ne tombe pas des nus, là. Donc, ils viennent avec des faussetés et ils trouvent des gens qui sont prêts à adhérer à des faussetés. Puis, ils vont choisir leur monde. Le loup choisit la plus faible brebis. Souvent, c'est ce qu'il va faire. C'est normal, ça fasse ça comme ça aussi. Là, il va dire au verset, à la fin du verset, « Étant corrompu d'entendement ». Ça veut dire quoi, ça? « Corrompu d'entendement ». Corrompu, ça veut dire quoi? Corrompu, c'est quelque chose qui est décomposé, c'est corrompu. Oui, compost, oui, corrompu. D'entendement. Ils ne comprennent pas, puis ils ne veulent pas comprendre. Ils cherchent quelque chose pour satisfaire leur plaisir. Puis si quelqu'un arrive et qui leur dit, « Hey, savais-tu que Dieu voulait te bénir, mon chum? Voulait te bénir, te faire du bien? » Oh, yes, c'est ça que je veux, mon âme, tu sais. Pasteur, il ne nous dit pas ça dimanche matin. Toi, tu dis que Dieu va nous bénir. Ouais. OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être béni, mon âme, là? On a vu dans la première épître, ils se nommeront des enseignants qui vont satisfaire leur chair, leur désir. Tu sais, Joël Austin, que j'ai écouté un peu ce matin, il satisfait les désirs d'être bien du monde, lui. vous en dites quand ils parlent, il y a des gens qui sont debout sur les chaises, puis yes, sir, gloire à Dieu, yes, sir, gloire à Dieu. Parce qu'il leur dit, Dieu va vous donner de l'argent, de la prospérité, de la santé, Dieu va vous donner ci, Dieu va vous donner ça, Dieu va vous donner... Oh yes. Ben, c'est ça qu'ils veulent. Donc la foi, c'est pas quelque chose qui les appelle au service, c'est quelque chose pour se faire servir. Donc c'est appeler les gens à servir, c'est pas très populaire. Pas très populaire dans notre société. Et réprouver en ce qui concerne la foi. Ce mot réprouver, c'est pas un mot qu'on utilise souvent. Tu vis, elle est réprouvée. C'est pas dans notre langage de tous les jours, en tout cas. Alors, lui a été réprouvé par sa femme. Ah ouais? Ça veut dire quoi, ça, tu sais? N'as-tu qu'un d'autres mots que le mot réprouver? À la fin du verset 8. Dont la foi ne vaut rien. La foi ne vaut rien. Le mot réprouver, c'est prouver. Prouver, c'est une forme de test. Hein? Une preuve, prouver. Réprouver, c'est qu'il ne passe plus le test par rapport à la foi. Leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Voilà, merci Yvon, c'est bien dit. Donc, c'est leur foi ne résiste plus à l'épreuve. Ils ont abandonné la foi pour des raisons X. Et ça se manifeste dans leur vie de tous les jours, de différentes façons. Et quand vous les voyez, on n'a quasiment plus de différence entre eux et les païens. Quasiment plus de différence. Parce que ce qui nous différencie, nous, des païens, c'est pas qu'on est sans péché. Pas ça. C'est comment on réagit à tout ça. Comment on réagit à nos péchés? Comment on réagit à leurs péchés? Comment on réagit aux péchés de l'humanité dans lequel on vit? Comment on réagit à ça? C'est ça qui fait la différence entre nous autres. Si tu veux, François, tu fais encore des péchés? Ben oui, j'en fais encore. Ben oui, j'en fais encore. Autant que toi. Et j'appelle ça péché. J'appelle pas ça maladie. J'appelle pas ça, ben c'est la vie, tu sais, c'est la vie. Non, c'est pas la vie, c'est le péché. C'est quand on parle de ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu veut, ce qui est vrai. C'est là qu'on ça va sortir qu'on est différent jusqu'à un certain point. François, tu viens de parler de Joël, là, il y a du monde, de Pierre, et waouh, c'est super. Quand il y a eu dans le siècle passé des grands hommes qui prêchaient, là, c'est-tu, puis qu'il y avait tant d'auditoires, ils disaient-tu la vérité pour que ce soit... Faut-il lire ce qu'ils ont prêché? Il y en a qui c'était des faux, puis il y en a qui c'était des vrais. Comme mettons, genre... Genre? Oui, oui. Tu sais, en Angleterre, là, puis là, il y avait plein de monde qui l'écoutait dehors. Là. Lloyd-Jones? Spurgeon, oui. Oui, c'est après ce qu'il disait, oui, puis pourtant, ça captait l'auditoire, ben oui. Les gens aimaient ça, puis c'est la vérité, ça. Ben oui. Il y en a qui veulent entendre la vérité, puis il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Le groupe du deuxième groupe veulent la vérité. Fait que si tu perds la vérité, ils y vont, là, puis écoute, là. Parce que c'est ça qu'ils veulent entendre. Ils veulent connaître Dieu, ils veulent servir Dieu, ils veulent élever Dieu, ils veulent glorifier Dieu. Donc si il y a quelqu'un qui prêche au coin de la rue là-dessus, ils y vont tout de suite. Hein. Mais si dans l'autre côté de la rue, ils prêchent la prospérité, la santé, la bénédiction, tout ce que tu voudras comme ça, ou tu peux vivre ta petite vie chrétienne comme tu veux, il n'y a pas de problème. Bien, ils vont à ce côté-là. Normal, parce que c'est ça qu'ils cherchent, c'est ça qu'ils veulent, d'être approuvés dans leur propre décision dans ce sens-là. Donc, ils n'ont pas passé le test, ou ils ne passent plus le test, parce que réprouver, il y a quelque chose qui a commencé puis qui est arrêté. Okay? Un test, ces gens-là, ils avaient déjà passé le test. Maintenant, ils ne passaient plus le test. C'est ça la difficulté ici-là. C'est pas quelque chose qui. Pas quelqu'un qui n'a jamais passé le test, parce que ça, c'est des païens, ils sont dans le monde. Donc, ils passent plus le test, leur foi ne passe plus le test. Puis Paul va le dire à différentes reprises, il dit, ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ... examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez réprouvé? Tu sais, il dit ça aux Corinthiens. Il dit, voyez-vous en vous, je suis capable de comprendre en vous. Ben non, si. Il dit, à moins que vous soyez réprouvé. Puis il va dire, ben moi, je ne suis pas. Paul va dire, moi, je ne suis pas réprouvé. Donc, je passe encore le test. Okay? Fais-moi passer le même test que le 5 ans ou le 10 ans par rapport à la foi, puis je passe le test encore. Et c'est ça qui est intéressant ici. Verset 9. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Donc, les deux hommes, Jonas et Jean-Brest, ont fini. Ils ont mal fini. Hein? Ils n'ont pas écouté Moïse, ils n'ont pas écouté quand ils ont été repris, ils n'ont pas écouté, puis ils n'ont pas fait de plus de progrès, puis ils ont été condamnés. Puis ces gens-là, tu leur parles, puis ils n'écoutent plus, ils n'entendent plus. Ils ne veulent plus aller plus loin, ils sont corrects dans ce qu'ils font, puis ils ne veulent plus entendre. Donc c'est là qu'il dit qu'il faut faire attention. Ça, c'est le groupe dissident, le groupe qui a abandonné, le groupe qui ne suit plus l'Évangile. Mais tout de même, sont encore dans l'Église. C'est ça qui est le plus un peu fatigant, un peu énervant, ce que je pourrais dire, parce qu'ils sont encore dans l'Église. Et c'est pour ça que quand on lit un peu plus tard, 30 ans, 20 ans plus tard, on lit les églises dans l'Apocalypse avec Jésus qui parle, puis là on dit, mais man, comment ils sont arrivés là, donc? Comment ils sont arrivés en 30 ans à ce que Jésus leur dise? Des choses qu'on a vues ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui n'ont pas vu ça venir, quoi? Ils n'ont pas comme saisi le... Oui? Moi, François, dans l'Apocalypse, comme tu viens de dire, qu'est-ce que je trouve ça terrible, c'est qu'il y avait 5 églises sur 7 qui étaient... que Jésus dit... C'était terrible, ce qui s'est passé. Quand on lit. Non, il dit à 5, si tu te repens pas, t'es parti. Il y en avait 2 qui étaient. L'une qui semble pas mal stable, l'autre était sur le bord. Ouais. Mais c'était comme. Terrible, mais c'est sûr que la question, c'est que quand on est. Je suis convaincu personnellement, vous n'êtes pas obligé d'être comme moi. Timothée, ici, quand il a entendu ça, il n'était pas surpris. C'est ce qui se passait à Éphèse. Il n'est pas surpris. Il n'est pas comme, ah non, ce que tu nous dis un matin, là, c'est pas cette histoire-là. Tu sais, là. Il n'était pas surpris, lui, Timothée. C'est qu'il doit prendre la décision de devenir tête. C'est ça qu'il doit faire. Il n'est pas surpris. Paul n'est pas en train de lui décrire un monde qui n'existe pas. Il n'est pas en train de lui décrire une église que Paul, Paul, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas dans une église comme ça, moi, ici, là, tu sais, là. Pas une église comme ça, on va envoyer ça à Corinthe, cette lettre-là. Corinthe, nous autres, ils vont prendre ça. Et nous autres, tu sais, t'as fait ça. Oh, pas si pire que ça. Là. Non, je crois que c'était... Timothée n'est pas surpris de ça, parce qu'il sait qu'il doit prendre position là, à ce moment-là, dans l'église d'Éphèse, pour rétablir ça, pour remettre l'église dans la voie de la vérité. C'est dans ce sens-là que je le vois personnellement. Nous, ça, ce que j'ai écouté cet avant-midi, c'était dans les différentes églises que j'ai écoutées, c'est toujours en fonction du moi, toujours en fonction du croyant. Si tu veux sortir de tes problèmes, si tu veux avoir la paix, si tu veux avoir la joie, si tu veux avoir du succès, si tu veux avoir ceci, si tu veux être béni, c'est toujours ça. Si tu as une récompense, si tu vas avoir ça, c'est toujours en fonction du croyant. Je n'ai pas entendu partant, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu, je n'ai pas écouté tout ce qui s'est passé ce matin, j'ai écouté 5-6. C'est. Il n'y a pas personne qui a parlé de voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour Dieu aujourd'hui, ou demain, cette semaine, comment je vais m'engager cette semaine pour servir mon Dieu. Personne qui a dit ça, personne qui a parlé de ça. Mais que Dieu va les aider à passer la semaine, ça, ah oui, ça marche. Mais qu'eux autres, ils vont servir Dieu. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine pour servir Dieu? C'était pas question dans les enseignements que j'ai entendus, c'était pas question de ça. Donc la foi, c'est devenu quelque chose que c'est pour moi. Je vous en parle depuis des années, c'est une foi anthropocentrique. C'est pour nous. Ça me fait du bien, ça me sauve, ça me donne la paix, ça m'amène de la joie, ça me... C'est souvent ce qu'on voit. Donc, regardez la deuxième partie pour la semaine prochaine. Vous ne voudrez pas passer plus vite sur la deuxième que sur la première. La deuxième, si vous voulez le lire, vous allez voir que là, on a l'impression que là, il parle de super saints. L'autre, on a l'impression qu'il parle de païens. Ce n'est pas des chrétiens, ce monde-là, c'est des païens. Mais en même temps, sur l'autre bord, j'ai pas pensé de fermer mon ordinateur, j'ai fermé mon téléphone. Et sur l'autre bord, on a l'impression qu'il parle de chrétiens, c'est quasiment des super chrétiens. Vraiment, les autres sont vraiment en hauteur. Waouh, c'est vraiment spécial. Ouais, c'est ça, les autres sont comme. Ah, ça ne peut pas faire partie de nous autres. On n'est pas si mauvais. On n'est pas si bon. Mais on va voir qu'il va. Il met le standard. Le standard qu'il va mettre, c'est Paul se met lui-même comme standard. Il dit à Timothée, il faut que tu fasses comme moi, Timothée. Il faut que tu m'imites, Timothée. Il faut que tu me suives, Timothée. Il faut que tu fasses comme moi, Timothée. Puis il n'est pas en train de dire, deviens un petit Paul. Non. Vraiment. On a vu, il dit, qu'est-ce qu'il va lui dire? Mais souffre avec moi. Tu t'appelles Timothée, mais souffre. En pleurant, comme Timothée. Mais moi, je souffre, mais je pleure peut-être pas. Mais j'accepte de souffrir. C'est, on va réagir différemment à la souffrance. Mais ils disent, faut que tu souffres avec moi, Timothée. Donc, c'est pas comment je vais le faire. C'est des absolus que tout le monde fait. Nous, on prend ça comme étant comme, ben voyons donc, on peut pas tout être comme Paul, là. Ben non, on ne peut pas tout être comme Paul. Mais on est tous des chrétiens comme Paul. On dit qu'on est tous sauvés comme Paul. On dit qu'on a toute la même espérance que Paul. On dit qu'on a tout le même Saint-Esprit que Paul. On dit tout ça. Mais on ne peut pas vivre comme Paul. Il était trop zélé, il était trop fort, il était trop loin, c'est l'affaire. Non, on n'est pas appelé à faire ça. Nous, on choisit ce qu'on veut. Là. Il y a quand même, François, une différence, c'est Paul. J'entends un peu déjà. Réponds-toi toi-même. Non, c'est parce que Paul écrit à Timothée qui aspirait au service dans l'Église. Là. C'est comme un petit peu plus engageant comme chrétien quand tu es dans le service que quand tu es la madame à la maison. Tu sais, parce que là, il écrit dans le temps, c'était des Juifs. Les femmes, ils sortaient même pas. Ils étaient à la maison, là. Mais il y avait des veuves là, qui étaient consacrées. Mais dans le sens que, est-ce que c'est... Tu sais, quand on dit un épître pastoral, est-ce que ça s'applique aux gens vraiment dans le ministère qui sont au front? Oui. Tu sais, c'est pas parce enlève-la de ta Bible. Enlève-la de ta Bible. Un Timothée de... Jette ça à poubelle. C'est pas pour toi, ça. Non, c'est juste que François qui est dans le ministère. Non, mais j'essaie, François. Tu sais, tu dis ça. C'est tout vrai. Moi, je vais être comme une Timothée, mettons, des fois, là. Mais ça s'adresse, c'est personnel. Nous, on va te chercher ce qu'il fait, notre affaire dans ça, ou bien... Parce que c'est gros, là. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça qu'elle dit dans la première épître, je crois... Il dit, en te sauvant toi-même, tu vas sauver ceux qui sont avec toi. C'est pas juste pour toi que je te dis ça. Là. Donc, c'est son rôle à lui dans l'Église, c'était ça, puis c'est son rôle. C'est son rôle à lui, c'est ça. Ben, mais ça veut pas dire que toi, t'as pas un rôle à jouer. C'est qu'on se darde sur le rôle de l'autre. Il fait-tu comme faut, son rôle? Ben, moi, je fais-tu le mien? Concerne-toi pas par Timothée. Concerne-toi pour toi en tant que femme à la maison. Si c'est ça que tu es une femme à maison, concerne-toi pour toi. Dire, est-ce que moi, je fais mon rôle de femme à maison comme je devrais le faire? C'est correct, c'est très correct. Sauf que quand on lit, mettons, c'était adressé à Timothée. Donc, on ne le met pas exclusif à Timothée puis aller chercher une application générale pour nous. Là, parce que là, c'est comme une lettre qui est adressée à ceux qui sont dans un ministère d'Église. Là. Non. Mais je pense, non, OK. Parce que je sais qu'on y parlait des veuves. Paul, s'il fait tout ça, les deux épîtres, c'est parce qu'il a laissé Timothée pour l'Église. Il n'a pas laissé Timothée pour Timothée à Éphèse. Il a laissé Timothée à Éphèse pour l'Église, pour le bien-être de l'Église, pour que l'Église fonctionne. Donc, c'est. Moi, je crois que la question, le principe, si le principe s'adresse à Timothée, ici, lui doit faire ce qu'il a à faire, puis voir ces gens-là, puis s'en éloigner. Moi, est-ce que je suis capable de les discerner, ces gens-là? Je vais me poser la question, même si je suis une femme à la maison, même si je travaille à job, au bureau, n'importe quoi, est-ce que je pourrais discerner un faux d'un vrai? Est-ce que je fais là-dessus? Est-ce que je travaille là-dessus? Est-ce que je peux faire de quoi là-dessus? Je sais pas. Je crois, en général, au Québec, on a dompé ça sur quelqu'un, cette responsabilité-là. On a tombé ça sur quelqu'un, c'est la faute de... C'est pour ça qu'on parle contre les enseignants, puis contre les pasteurs qui ont fait ci, puis contre les pasteurs qui font pas ça, puis contre les pasteurs. Parce que c'est leur responsabilité, eux autres, puis si ça va mal, c'est de leur faute. C'est pas de leur faute. Ah non! On peut pas faire ça. Ça nous déresponsabilise. Oui, c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on veut aussi. On veut se déresponsabiliser, tout simplement. C'est pas pas mon rôle à moi. C'est vrai que c'est peut-être pas mon rôle d'être derrière l'archet le dimanche matin et de prêcher. C'est peut-être pas mon rôle. Mais c'est quoi mon rôle d'abord? Est-ce qu'il y a juste un rôle dans toute l'Église? Parce que moi, je pense souvent, dans ça, là, globalement, je pense souvent, le gardien est là, qui garde le troupeau contre le danger, puis être capable de réfuter, puis dire l'enseignement faux, c'est ça. Moi, déjà là, je me dis, j'ai pas ces arguments-là. Je suis capable de voir ça. Hey, non, ça sent pas bon, là. Non. Mais d'arriver avec des versets et le contexte, tout ça, pour réfuter, oublie ça, là, c'est pour ça là, que je me dis que ça s'adresse plus à Timothée dans ce temps-là, mais sans me déresponsabiliser comme croyante. Là. La question, c'est si ça s'adresse à Timothée en tant que leader, tu dis, bon, Dieu a nommé dans le corps, il y a un membre qui était dévoué par Dieu pour faire ça. C'est quoi mon rôle à moi en tant que docteur? Quand tu t'es venu un matin, aujourd'hui, ici, là, pour rencontrer le groupe, c'est quoi tu t'es dit? Quel rôle que je vais aller jouer avec eux autres aujourd'hui? C'est quoi ma part dans le groupe de l'Église aujourd'hui que je vais faire avec le groupe? C'est ça, moi, je t'ai dit, je vais aller écouter François qui enseigne. C'est ça que je tentais de vous dire, là. Quand je regarde le groupe, on est 14, là. C'est quoi ma part de responsabilité envers les 14 qu'il y a là? C'est comme une semaine, j'ai écrit à quelqu'un, j'ai dit, « Vous m'avez édifié! » La personne me répond, une des deux personnes à qui j'écrivais, a dit, « Non, non, non, c'est toi qui nous as édifiés! » Puis la troisième personne en ligne de compte, il dit, « C'est l'Église qui édifie l'Église! » J'ai marqué, « Amen! » C'est l'Église qui édifie l'Église. C'est pas une personne qui édifie l'Église. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour édifier l'Église? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça que je vous pose comme question. C'est ça que Paul vous pose comme question. Qu'est-ce que je fais pour l'Église? Qu'est-ce que c'est que dans ma tête qui se passe par rapport à ce corps dont j'en fais partie, que je veux qu'il fonctionne bien, que je veux qu'il prêche bien, je veux que la parole de Dieu soit vraie, qu'elle soit enseigner, qu'est-ce que je fais de façon concrète, de façon vraie, de façon intelligente, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon rôle là-dedans? On se pose la question des fois, puis on ne sait pas trop. Mais c'est quoi mon rôle? Mais je crois que vous êtes convaincus comme moi qu'on a tous un rôle. On le sait pourtant. On est dans le corps, on est tous chacune partie du corps. Mais c'est quoi mon rôle dans le corps? Comment je peux le jouer? Comment je peux l'accomplir? Comment je peux le faire? C'est peut-être pas ici, en s'en venant ici le dimanche, puis là, c'est autre chose, mais dans le restant de la semaine, c'est quoi je vais faire? Comment je vais le faire? C'est quoi mon rôle que j'ai à jouer? Mais ici, là, ce qu'on parle, surtout dans la deuxième épître et dans la première, c'est de garder la vérité. C'est ça dont on parle. C'est tout. C'est pas comment on va garder le bâtiment propre. C'est pas ça qu'on parle. Mais je crois, personnellement, vous avez tous un rôle à jouer pour que la vérité soit proclamée à la prochaine génération. Vous avez tous une responsabilité. Pas plus que moi, puis pas moins que moi. Vous avez tous une responsabilité pour que l'Évangile soit proclamé, la vraie Évangile soit proclamée à la prochaine génération. Mais on pense que c'est la job du pasteur de faire ça. Tout ce n'est pas pour nous autres. Nous, on n'a pas à faire ça. Et je pose la question. Priez là-dessus, regardez, pensez, parlez-en avec Dieu. Hé, Seigneur, c'est... François, tu as raison, maintenant, s'il était un peu éberlué à cause de son cancer. Ces pilules font divaguer un peu, là. Maintenant, si vraiment il a raison, puis je, dans le fond, je suis assis sur mon derrière, puis je fais rien. Puis c'est quoi que je fais, là, avec ça? Et puis ça, que je, il y a un effet de mouvement qui doit être là, puis de dire, je connais mon rôle, je sais ce que j'ai à faire. Moi, vous avez probablement déjà vécu ça, vous arrivez sur une équipe de travail, puis tu dis, ah, ils sont bien rodés, chacun sait qu'est-ce qu'il y a à faire, puis ils sont productifs. Tu arrives à la fin de la journée, puis le toit est fait. Mais si arrive, moi, si tu arrives sur le chantier, puis je m'assis sur le bord, je dis ça pas, personne ne me dit quoi faire. Je ne fais rien. Je regarde, c'est le fun. Puis... Si j'arrive au chantier, j'ai une raison d'y aller. D'abord, je devrais savoir ce que je fais là. Si on me dit, mais toi, François, c'est d'aller chercher les clous dans le pick-up, les emmener, tous les ouvriers. Yes, sir! Moi, je vais aller des clous toute la semaine. C'est ça, ma job. Je sais que je veux participer à ce qui se fait. Donc, c'est ça que, poser la question au Seigneur, dire, mais c'est quoi ma responsabilité? C'est quoi que je dois faire avec ça? Et si j'avais été dans l'église d'Éphèse, au temps de Timothée, est-ce que j'aurais dit, ah, oh, c'est Timothée, c'est à lui là, que ça s'adresse, cette affaire-là, puis il va faire ce qu'il a à faire, lui-là, là. Maintenant, si vous alliez dire à Timothée, je suis avec toi, mon Timothée. Je vais t'aider le mieux que je peux, mon Timothée. Je vais faire tout ce que je peux, mon Timothée, pour t'aider là-dedans. Là. Je pense que c'est ça qu'on devrait faire, n'est-ce pas? C'est ça qu'on devrait penser et agir avec ça. Je ne suis pas appelé, je me souviens toujours d'Arnold Héron. Il avait dit une fois, je ne sais pas comment parler, mais je sais comment faire de l'argent. C'est ça qu'il avait dit lui. Puis il a payé le salaire de ses deux frères pendant toute leur vie de missionnaire. Je sais comment faire de l'argent. Tu vois, c'est pas besoin d'être derrière la chair, là. Mais les deux Hérons ont conduit des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes dans le Seigneur, ici au Québec, parce qu'il y avait un frère qui payait pour eux autres pour qu'ils puissent le faire. Et vous, comment c'est la différence? C'est pas compliqué, l'affaire. C'est pas si dur que ça à comprendre, selon moi, du moins. Chacun a son rôle à jouer, puis on l'a fait. C'est pour ça que Dieu dit qu'il a donné des dons à chacun, puis chacun a son rôle à jouer. Donc, j'arrête. Bon. Notre bon Père du ciel, on ne voudrait pas se faire dire un jour qu'on était des réprouvés. On n'aimerait même pas se faire poser la question par Paul. À moins que vous soyez réprouvés, ne voyez-vous pas que Jésus habite en vous? Ne voyez-vous pas que vous êtes des serviteurs de Dieu? Ô notre Dieu, peux-tu nous donner du discernement avec ce qu'on a vu aujourd'hui? On aimerait, Seigneur, on aimerait être capable de discerner en tant qu'Église, en tant qu'individu, quand ça va être le temps de s'éloigner de certaines personnes. Parce qu'ils n'enseignent plus la vérité. Parce qu'ils disent des choses qui sont blasphématoires au sujet de ton fils, au sujet de sa vie, au sujet de sa résurrection, de sa seconde venue. On voudrait, Seigneur, pouvoir faire partie du deuxième groupe, hein, où ce que Paul va dire, homme de Dieu, femme de Dieu. Et qu'on aimerait se faire dire ça par toi, par Paul. Et on te demande, Seigneur Dieu, que c'est pas juste un trip de culpabilité, c'est pas juste un trip de... C'est juste, qu'est-ce que toi, tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ce que tu viens de nous dire dans les Écritures? Qu'est-ce que Timothée devait faire avec ça? Quand il l'a lu et entendu, je suis sûr qu'il a dû penser, oh non, il va falloir que j'aille voir des personnes et leur dire de s'en aller. Ou qu'on doit... Il n'a pas dû trouver ça évident et facile. On te demande, Seigneur, qu'on puisse prendre plaisir en Dieu plus que n'importe quoi d'autre. On peut se dire, comme David dit à un moment donné, « Je prends plaisir dans ta parole. Je prends plaisir à tes statuts, à tes commandements. » Guide-nous, Seigneur, et que le repas du Seigneur qu'on va faire ensemble dans les moments qui viennent puisse nous motiver en se rappelant ce que toi, tu as fait. Pour qu'on soit assis ici, qu'on puisse être motivé à se lever et faire de quoi pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gaëtan? J'aimerais vous lire quelques versets du prophète Ésaïe. C'est dans Ésaïe 25, ça dit « Ô Éternel, tu es mon Dieu. » Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins sont conçus à l'avance, se sont fidèlement accomplis. Ça continue en disant l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il a anéanti le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, à qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. C'est bon, n'est-ce pas, de se rappeler de ce qui nous attend. C'est comme encourageant. Et ce qui nous attend, c'est parce que nous avons été graciés. Nous sommes des graciés. Et c'est ce qui nous attend. C'est bon de se rappeler ça. Et là, on va se rappeler Jésus. On va prendre le repas du Seigneur et on va se rappeler ce qui est ce Jésus, ce qu'il a fait. J'ai choisi un chant. Il est assez long. Mais avant de naître, je me posais la question si je le trouvais long un peu. Je ne savais pas si je devais faire jouer celui-là. Puis je me suis dit, quand on chante pour le Seigneur, c'est jamais long. Puis l'autre chose, quand on va être réunis avec lui, quand on va être au pied, que nous allons le louer. Allons-nous trouver ça long? Je pense pas. Donc, on va faire jouer ce chant-là qui s'appelle Je veux chanter un chant d'amour. Après, nous

en rappelons-nous ce Jésus. C'est lui qui nous l'a dit. Il dit, fais ceci en mémoire de moi. Rappelons-nous, il a donné son corps, il a donné son sang pour pouvoir établir le royaume de son Père. Donc, la dernière nuit qu'il a passé avec ses disciples, au souper, il a pris le pain, il l'a rompu, il l'a partagé avec ses disciples en disant, « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Mange. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Il leur dit, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons quelques temps pour prier. Pendant qu'ils chantaient, Seigneur, ma vision, l'image qui me venait, c'est que ton canet a une forme de croix. C'est là que tu nous as serré fort. C'est là que tu nous as aimés. Et par-dessus tout, tu as aimé ton Père. Les câlins qu'on se donne entre nous n'ont pas la forme de croix. C'est réceptif plutôt, c'est mutuel, c'est correct. Mais toi, tu nous as fait un câlin que seulement toi pouvais faire. Et Seigneur, je te prie que ce câlin me motive, me pousse, peu importe le prix, peu importe le coût, peu importe le temps, me pousse à faire de quoi pour te glorifier. C'est ce que mon cœur désire le plus. Amen. Amen. Notre bon Père du ciel, comme tu es grand, semaine après semaine, Seigneur, tu nous rassembles ici. Qu'on puisse regarder à ta parole, parce que tu veux nous parler. Et Seigneur, ne soyons pas indifférents à cette parole. Qu'elle agisse en nos cœurs, Seigneur. Qu'elle serve à te glorifier, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Merci François. Mm-hmm.